9.3. Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du deuxième personnage. Vous entendrez le dialogue une fois, puis vous entendrez ce que dit le deuxième personnage trois fois, puis vous entendrez ce que dit le premier personnage et vous jouerez le rôle du deuxième. 1. Écoutez. Oui, c'est une idée. Je vois un portrait. C'est ça, faisons des portraits. C'est ça, faisons des portraits. C'est ça, faisons des portraits. C'est ça, faisons des portraits. À vous. Oui, c'est une idée. Je vois un portrait. Deux. Écoutez. Quelqu'un décrit une personne en trois ou quatre phrases. Par exemple, elle est grande, elle a un œil bleu, elle a un œil gris. Et puis les autres devinent qui c'est. Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? À vous. Quelqu'un décrit une personne en trois ou quatre phrases. Par exemple, elle est grande, elle a un œil bleu, elle a un œil gris. Et puis les autres devinent qui c'est. Écoutez. Bon, allons-y, commençons. Qu'est-ce qui commence? Allez, à toi, Yvonne, tu commences. Non, pas moi, je n'ai pas d'idée. Non, pas moi, je n'ai pas d'idée. Non, pas moi, je n'ai pas d'idée. Non, pas moi, je n'ai pas d'idée. À vous. Bon, allons-y, commençons. Qu'est-ce qui commence? Allez, à toi, Yvonne, tu commences. Quatre. Écoutez. Non, pas moi, je n'ai pas d'idée. Mais si, voyons, ce n'est pas difficile. Mais si, voyons, ce n'est pas difficile. Mais si, voyons, ce n'est pas difficile. Mais si, voyons, ce n'est pas difficile. À vous. Non, pas moi, je n'ai pas d'idée. Cinq. Écoutez. Attention à ce que tu fais. Oh, c'est malin. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. À vous. Attention à ce que tu fais. Oh, c'est malin.